c'est d'accord, pas d'accord, et polémique et division des intégrations sociales. Et lui en sait quelque chose. D'ailleurs, ouais, disait... justement, est-ce qu'il a eu à utiliser ces trois méthodes pour... Totalement, parce que la manière d'écrire était divisée sous forme de trois rubriques. Le commentaire, le grand commentaire qui était un commentaire savant, qui citait le texte d'Aristote, les commentaires grecs sur Aristote, Alexandre d'Aphrodise, etc., etc. Le commentaire moyen qui était une paraphrase qui donne l'essentiel, et les abrégés. Et les abrégés qui sont comme un nécessaire que l'on emporte partout. Et donc lui aussi modulé selon le public. Non, mais je voulais dire vis-à-vis de ses détracteurs et plus précisément vis-à-vis des dogmatiques, est-ce que Averroès utilisait effectivement ces trois méthodes pour discuter, pour parler? Est-ce qu'il avait eu le loisir de pouvoir les appliquer? Il avait, alors c'est très important, il était bien évidemment en conflit ouvert avec ceux qui dogmatisaient le texte, en conflit ouvert. On sait qu'il a toujours eu la protection des princes almohades, parce qu'en même temps, il les soignait, il était médecin. Mais à un moment, il y a eu une cabale telle contre lui qu'il a été obligé, qu'il a été exilé dans une ville, Ljubljana, d'Andalousie. Pourquoi ? Parce que le pouvoir politique a penché de l'autre côté. Exactement, à ce moment-là. Et ses œuvres ont subi un autodafé. Et puis, il a été réhabilité juste avant sa mort. Donc, effectivement, il en sait quelque chose du problème direct que l'on peut avoir avec ses coreligionnaires. Les philosophes arabes contre le dogmatisme religieux, c'est la série de notre semaine par l'universitaire Ali Ben Mahlouf. Demain, dernier épisode de la série, et demain, on parlera de qui ? Demain, c'est Ibn Khaldoun. Merci beaucoup Ali Ben Mahlouf. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru chez Albin Michel, Pourquoi lire les philosophes arabes ? On se retrouve demain à la même heure. Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seemed too far to fetch. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, drop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London. Calling you, what are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Are you denying the truth? I'm mine, devouring you, he said. Although not clear as the morning dew, though my preferred ways are not happening. Won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today, is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes, like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full, what have you not yet achieve. It is obvious that you're trying, dubious trouble you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Et mon invité du jour est Pascal Le Torel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes critique d'art, commissaire d'exposition, scénographe, éditeur, puisque vous dirigez les éditions des Beaux-Arts de Paris. Mais c'est en tant que commissaire de l'expo Jacques Monory que vous êtes là ce matin. Merci d'être venu. Une exposition rétrospective même de Jacques Monory qui a lieu en ce moment dans le Finistère, à Landerneau et plus précisément au Capucin. C'est le fonds Hélène et Édouard Leclerc qui remettent au goût du jour le peintre de la figuration narrative. Et dans cette expo, il y a tout. Il y a les tableaux, des films, des photographies, des collages, des documents d'archives. Et pour la plupart, ce sont des œuvres prêtées par des grands collectionneurs, je suppose. Et cette exposition est très didactique, puisqu'il y a des parcours qui expliquent les liens que Monory entretient ou entretenait avec l'univers du cinéma et du roman noir. Oui, tout à fait. Cette exposition se veut, comme toutes les expositions du Fonds Édouard Leclerc, ouverte au plus grand public. Il y a beaucoup de scolaires, il y a des touristes qui viennent de la France entière quand ils se promènent en Bretagne. Elle est située au fin fond du Finistère, donc il faut aussi que les habitants puissent la visiter en comprenant facilement et en ayant un accès à l'art contemporain. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en créant ce parcours. Est-ce que ça a été difficile de regrouper les œuvres de Monory? Ça a été un énorme travail. Je ne dirais pas que ça a été difficile, mais en tout cas, ça a été long. C'est un travail de fourmi, parce qu'on a mélangé des œuvres qui sont dans tous les grands musées français et européens à celles de nombreux collectionneurs pour reconstituer des ensembles. Alors, qui sont les collectionneurs de Jacques Monory? Les collectionneurs de Jacques Monory, ce sont souvent des collectionneurs de la figuration narrative, mais ça peut être aussi des gens qui s'intéressent particulièrement à lui, parce que c'est un univers propre. Alors comment décrire cet univers, justement, Pascal Le Torel? Parce que pour moi, c'est mon enfance, hein. Je vous cache pas, c'est en voyant un film de Benex que j'ai découvert le bleu de Jacques Monory, l'univers de Jacques Monory. Donc c'est très lié, justement, pour moi, aux années 80, et pour être précis, à l'après-pop art en France. Oui, alors ça, c'est, je dirais, votre génération, la mienne aussi. Monory, il commence à exposer vraiment avec la figuration narrative en 1964 au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Mais c'est vrai que dans les années 80, toute la figuration narrative, je dirais, c'était les artistes stars au tout début des années 80, qui avaient de nombreuses commandes publiques, que le premier Jack Lang a pu montrer. Alors l'univers de Monory, c'est l'univers du cinéma. Il se dit d'ailleurs le peintre cinéma lui-même, c'est la manière dont il s'appelle. Il y a plein de flashbacks dans ses peintures sur les films noirs américains, aussi bien les polars que les comédies musicales, mais on trouve aussi le cinéma, le nouveau cinéma français, Jean-Luc Godard, Truffaut, etc., des allusions à tout le cinéma, je dirais, depuis les années 40, 30-40, jusqu'aux années presque 2000. Et puis ensuite, il y a eu le désamour. Monorie n'était plus à la mode. Non, mais ça, je crois que dans toutes les carrières d'artistes, il y a du désamour. Il y a des périodes où on les montre, il y a des périodes où on les montre plus. Alors après, il y a ceux qui tiennent, il y a les grands monstres. On parlait tout à l'heure des collectionneurs de Monory. Obtenir le prêt d'une de ses œuvres, c'est pas seulement pour 6 mois, parce que l'exposition dure très longtemps, mais j'ai eu des collectionneurs avec qui j'ai dû véritablement argumenter parce qu'ils vivent avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que les œuvres de Jacques Monory passent très, très rarement en vente publique. C'est tout à fait exceptionnel. Ça fait partie de ces peintres très rares. Dans un genre tout à fait différent, Balthus, c'était à peu près la même chose, dont les gens, quand ils ont leur Monory, parfois plusieurs, vivent avec et ne veulent pas s'en départir. Donc là, il a fallu en convaincre certains de les enlever de leur mur, parce que ça fait partie, on en parlait, c'est un véritable univers. Alors justement, à qui appartiennent ces 8 grands tableaux des 28 meurtres peints en 68? Vous savez, cette série pour laquelle Monory a été connu, il utilise pour la première fois, je crois, des miroirs dans lesquels il tire à balles réelles. Alors, ils appartiennent, c'est compliqué de donner les noms parce que je ne peux donner que ceux qui acceptent qu'on parle de leur collection. Bon, il y a plein de raisons fiscales et autres qui font qu'en France, les collectionneurs ne donnent Français, pas souvent leur nom. Ce sont des Français pour la plupart. Il y a un tableau qui appartient aussi au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris et un autre au Centre Pompidou. Sinon, ce sont des collectionneurs privés et c'est un par un que j'ai dû aller chercher les tableaux. La série des meurtres a été dispersée. Et le bleu, comment il arrive dans l'univers de Monory? Alors, il y a de multiples réponses. En ce qui concerne le bleu, Monory a dit d'abord que c'est une couleur qu'il aimait. Ensuite, c'est la couleur du rêve. Et c'est une œuvre, on en parlait tout à l'heure, qui parle de rêve, enfin, de rapport entre le rêve et la réalité, de distanciation. Le bleu, c'est aussi le cinéma, c'est la nuit américaine. C'est une couleur qui exprime la nuit, donc aussi le rêve. Il a essayé, d'ailleurs, les premières œuvres de l'exposition sont des œuvres roses, parce qu'au début, c'était un monochrome rose. Et puis, il dit que quand il a fait ses essais comme ça sur la monochromie, parce qu'il voulait... C'est un discours moderniste, Monory, c'est une œuvre de recherche. Donc, ce qu'il va faire, c'est changer un peu les couleurs du monde. C'est un peintre réaliste peut-être pour ce qu'il exprime, mais pas dans la manière de le montrer, et surtout pas. Et donc, ce bleu, c'est parce que c'est pas dégueulasse, comme il le dit. Si on prend du rose et qu'on le décline sur toute la gamme, ça donne du rouge sang, ça donne des choses qui sont abominables. Le jaune, c'est un peu mièvre, là je reprends ces mots. Hein? Alors le bleu, ça permet toutes les gammes de couleurs, quand on met du blanc ou du noir dedans, et ça donne quelque chose, effectivement, de très déclinable, qui fonctionne. Et comment il se positionnait par rapport à ses petits camarades de la Factory de New York, c'est-à-dire d'Andy Warhol? Est-ce qu'il considérait qu'il était lui aussi dans ce pop art, puisqu'il détournait un peu la pop culture, ou il prenait ses distances en disant que c'est un autre univers? Alors les artistes de la figuration narrative, je vais même mettre un lait, sont des artistes pop, mais pop européen. C'est-à-dire qu'il y a une véritable différence entre le pop anglo-saxon, américain et anglais qui critique fort peu la société de consommation, qui en fait des icônes, et puis le pop européen qui est beaucoup, beaucoup plus politique. Un artiste comme Télémaque, par exemple, Hervé Télémaque, qui est parti d'Haïti, qui est passé par New York, qui est un des grands amis de Jacques Monory, qui va exposer à Beaubourg le mois prochain, est un artiste qui délaisse New York parce que justement ça correspond pas à c'est pas une figuration pop critique, et il arrive en France, il va organiser avec Rancillac l'exposition de la figuration narrative mythologie quotidienne en 64 au Grand Palais, au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, avec Gassio Talabou et Marie-Claude Dan, et il introduit les outils du pop, c'est-à-dire l'épiscope, la rétroprojection, enfin l'image décalée à partir de documents photographiques. Mais en revanche, le message est très différent. Monory est critique à sa manière, même s'il n'est pas directement des toiles politiques. Télémaque en fait, Hérault fait des... Il est vraiment critique parce que j'ai lu quelque part que de son propre aveu, il aurait pu être un assassin, qu'il a une vie de petit voyou de Montmartre, Jacques Monory. Oui. Bah c'est ce qu'il a dit, c'est que la peinture l'avait sauvé. Souvent la rédemption, la peinture, ou l'art en tout cas. Oui, il aurait pu devenir un petit voyou de Montmartre, parce que ses parents habitaient Montmartre, que lui traînait un peu partout à Montmartre. Mais surtout avec les truands et les malfrats, non? Oui, en dansant le tango, pas surtout, je pense pas seulement. Sa mère était couturière, mais elle faisait des vêtements sur mesure, et son père était chauffeur. chauffeur pour les riches. Il était argentin, il était chauffeur pour les riches américaines du Sud qui venaient en Europe. Mais en revanche, les fréquentations, effectivement, à Montmartre, à l'époque, il y avait un peu tout qui traînait. Et comme il était très mauvais élève, on pense qu'il devait traîner pas mal et que voilà. Ça alors, comment il réagit à ce qu'on écrit sur lui, à comment on perçoit ses œuvres aujourd'hui? Pascal Le Torel, vous qui connaissez Jacques Monory, il a quoi? Il a 90 ans aujourd'hui? Il a 90 ans, il est né en 1924. Ouais. Alors, comment il réagit à tout ça? Bah, il est extrêmement, en tout cas, il s'est montré extrêmement heureux de cette exposition. C'est vrai qu'il rêve encore. Je lance toujours à chaque émission des petits signes au ministère de la Culture d'avoir une rétrospective à Paris, ou à Beaubourg ou au Grand Palais. Mais pourquoi ça passe pas, d'après vous? Pourquoi ce n'est pas si évident que ça? Je ne sais pas si c'est pas si évident que ça. Après, ce sont des choix et des décisions, et chaque directeur de musée a ses propres orientations. Et voilà. Alors peut-être qu'on le tout est dans le voilà. Le Torel. Absolument. Il a eu le Macval en 2006. Ouais. Il a fait l'ouverture de ce grand musée du Val-de-Marne avec une grosse exposition personnelle. Et donc certains ont pensé, après voilà, il y a certains, ouais. Certains ont pensé que la chose était faite, parce que c'est comme une espèce de devoir d'État, on fait la chose. Je pense qu'en revanche, elle reste à faire, parce que le Macval, c'était pas si grand, c'était 500 mètres carrés, et qu'une véritable rétrospective de Monory pour montrer, et il y a quelques pièces dans cette exposition qui le démontrent, mais pas suffisamment, il faudrait au moins 2000 mètres carrés pour montrer les très très grands tableaux qui sont à l'échelle du pop art américain. On l'a compris, donc entre deux voilà, les certains devraient aller à Landerneau. C'est au Finistère et ça dure jusqu'à quand cette exposition rétrospective de Jacques Monory? Jusqu'au 15 mai. Merci beaucoup Pascal Le Torel d'être passé ce matin pour nous en parler, merci beaucoup. C'était Un autre jour est possible, à retrouver sur franceculture.fr ou sur les réseaux sociaux habituels. Émission réalisée par Thomas Duterre avec aujourd'hui à la technique Jean-Michel Bernot. Pour les réseaux sociaux, c'est Sacha de Persin qui vous attend et qui attend surtout vos réactions. Émission préparée avec Henri Leblanc. Dans un instant, les matins de France Culture. Merci de votre fidélité. À demain. Bonne journée.